Moi, je vous explique des choses qui vont faire partie de votre réalisation petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais il faut que je vous les explique, ces choses-là, parce que ces choses-là sont extrêmement importantes. Et il faut que votre esprit, parce que quand on est ensemble, c'est une communion, c'est une communication, c'est une syntonicité de votre esprit à mon esprit. C'est ça qui fait vibrer votre esprit pour que votre esprit puisse débloquer le plus possible à l'intérieur de vous-même. Mais il faut qu'un jour que vous en arriviez à être capable par vous-même de vivre le courant de votre esprit contre ce que l'ego voudrait. Parce qu'elle est là, votre liberté. Il est là le début de votre liberté. Vous ne vous sentirez jamais libre dans la vie tant que votre esprit n'aura pas pris le contrôle sur votre mental. Il est là, c'est ça la liberté. La liberté, c'est l'activité, l'actualisation de l'esprit dans l'âme. Là, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est de l'esprit. De l'esprit, c'est une force. C'est inutile pour nous autres d'essayer de la comprendre métaphoriquement, cette force-là, ou de la comprendre graphiquement, cette force-là, ou de la personnaliser, cette force-là. Ça n'a aucune importance parce que aujourd'hui, on est dans un corps matériel. Et quand tu es dans ton corps matériel, tu t'occupes de toi-même en tant qu'être physicalisé. Alors, comme tu t'occupes de toi-même en tant qu'être physicalisé, tout ce qui t'intéresse, c'est d'être capable de vivre ta vie sur le plan matériel en fonction de ce qu'on appelle ton esprit. Sur le plan matériel, tu vis une vie de plus en plus agréable. Si un jour tu changes de plan, à ce moment-là, tu vas vivre en fonction de ton esprit sur un autre plan. Et ainsi de suite. Puis si un jour tu changes encore de plan, puis tu changes encore de plan, puis tu changes encore, tu vas toujours vivre en fonction sur ce plan-là de ton esprit. L'homme ne connaîtra et ne saura jamais qu'est-ce que c'est de l'esprit. L'homme pourra convenir de l'esprit, l'homme pourra réaliser de l'esprit. La seule façon où l'homme sera capable de concrètement percevoir son esprit, c'est lorsqu'il sera en communication avec lui dans son mental, ou c'est lorsqu'il se verra lui-même dans sa propre lumière, dans l'éther. Mais même quand l'homme sera dans l'éther et qu'il se verra dans sa propre lumière, il ne verra pas son esprit, parce que l'esprit fait partie d'un tout, le tout étant conscience universelle, un aspect de ce tout perfectionné étant ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Alors, ce que l'homme a besoin de comprendre au niveau de sa personne, de sa personnalité, de son être humain, ce n'est pas son âme ou son esprit ou ci ou ça, c'est de comprendre la réalité du pouvoir de ce qu'on appelle l'esprit sur son mental inférieur pour que lui puisse vivre de l'énergie de cette intelligence-là au lieu de vivre des intelligences et des pensées émises par des intelligences qui sont retardataires à son évolution, qui sont en deçà de son évolution et qui ne peuvent aucunement l'aider, mais qui sont obligés, à cause des liens karmiques, de créer constamment du brouillard dans son mental pour que l'esprit de l'homme se renforcisse et se renforcisse et se renforcisse. Moi, je suis fusionné, puis hier soir, je n'ai pas dormi de la crise de nuit. Fait que je me suis des illusions que bien du monde ont, t'sais, que Bernard de Montréal, lui, il pense pas. C'est vrai que je pense pas. Mais l'énergie est là pareil. Les niaiseries du langage sont là pareil. La seule différence entre moi et vous autres, c'est que moi, quand je n'ai plein de casse, je change la vibration de mon mental. Alors, en changeant la vibration de mon mental, je me mets sous une autre énergie et à ce moment-là, je deviens créatif. Fait que dans 3 heures du matin hier, ça fout, je n'avais plein de casse. Mais ça, c'était la collision, c'était le conflit entre l'esprit qui voulait rentrer pour s'activer, pour faire quelque chose, et le mental humain qui était là. La condition inférieure de l'homme qui était là. Fait qu'à 3 heures du matin, je m'ai levé, là, je n'avais plein de temps, je suis allé dans mon bureau, je suis allé écrire. Ça a coupé complètement avec l'activité d'avant, puis là, je suis rentré dans mon esprit, autrement dit, ça a permis à mon esprit d'être actif. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez ceci. Vous ne pouvez pas être dans votre esprit tout le temps. Vous serez dans votre esprit tout le temps seulement quand vous serez dans l'éther. Quand vous serez dans la matière, vous ne pouvez pas être dans votre esprit tout le temps pour une raison simplement. Si vous étiez dans votre esprit tout le temps sur le plan matériel, vous brûleriez vos cellules. Vous seriez obligé de détruire votre corps. Fait que tu ne peux pas être dans ton esprit tout le temps. Fait que qu'est-ce qui arrive? Tu vas avoir des périodes où il se passe soit rien dans ta tête, qu'il y a un équilibre entre ton esprit et les autres plans, ou que les autres plans sont plus en avance, sont plus actifs dans ton mental que ton esprit, à ce moment-là, tu te fais achaler. Mais quand c'est rendu comme ça, ça veut dire que ton esprit, lui, veut rentrer en activité avec toi, c'est à toi de te mettre sous sa vibration pour neutraliser les autres plans. Parce que quand l'esprit descend sur un plan, comme sur le plan mental de l'homme, quand l'esprit descend sur le plan mental de l'homme, il a besoin de se servir des mots. L'esprit a besoin de se servir des mots pour écrire, par exemple. À ce moment-là, là, c'est tout un mouvement. Là. C'est comme s'il y a une excitation qui se fait dans son cerveau. Et l'énergie de l'esprit est tellement forte que ça fait tout vibrer ces mots-là. Là. Fait que tout dans ta tête, là, c'est ça n'arrête pas. Fait que si tu comprends ça, ben à ce moment-là, là, tu te lèves, tu changes ta situation, puis là, tu t'en vas, puis tu t'assieds à ton desk, puis tu écris ton livre. Tu fais ce que tu as à faire. L'homme ne peut pas vivre constamment dans son esprit. Penses-tu, moi, que si je vivais dans mon esprit comme je suis là, à tous les jours, je pèterais? Ben, moi, la conscience. Mais quand tu arrives chez vous, il faut que tu t'assoies, puis tu puisses parler à ta fille, parler à ta femme, prendre un verre de bain, puis relaxer au soleil un peu. Tu peux pas toujours être dans cette affaire-là. C'est ça. Mais comme on est inconscient, puis qu'on est tellement avide, puis on veut tellement de la conscience, parce que tout le monde en veut de la conscience, c'est normal, on s'imagine que qu'on est tout le temps de même. Tu peux pas toujours être de même. Tu peux pas être toujours dans cette énergie-là. Tu es dans cette énergie-là pendant que l'esprit fonctionne. Mais quand ça arrête, là, tu retombes à ton normal, tu retombes à tes activités humaines. Y a-t-il une cigarette dans le coin d'export? On s'en est à mon coup. Le point que je veux faire, non. Le point que je veux faire, c'est que vous devez commencer à comprendre la différence entre votre esprit et votre mental inférieur. Votre esprit, moi, vous l'expliquer de façon la plus simple possible. Votre esprit, c'est tout ce qui vous fait mouvoir. Quand vous parlez, quand vous marchez, quand vous travaillez, tout ce qui est moteur, ça vient de votre esprit. Tout ce qui est mental ne vient pas de votre esprit, à moins que ce soit télépathiquement commandé. Autrement dit, à moins que vous ayez une communication télépathique entre votre mental et votre esprit. Donc, c'est une communication télépathique. Moi, si je dis à mon esprit, comment ça va après-midi dans le monde, qu'est-ce qui se passe à la bourse de New York? Là, il va me parler de ce qui se passe à la bourse de New York. Il va m'en parler un petit peu. Puis après ça, c'est final. Ça, c'est une communication télépathique mentale. C'est entre moi et mon esprit. Ça alimente mon mental pour une raison que mon esprit veut que je sache que peut-être parce qu'après-midi, il faut que j'en parle au gars que le stock market de New York. Bon, ça, c'est une chose. Mais tout le reste, quand c'est pas télépathique avec ton esprit, à ce moment-là, faut que tu fasses attention. Faut que tu prennes conscience que le matériel, il te sert. Si le matériel ne te sert pas, s'il n'est pas sous ton contrôle mental, le matériel, parce que les gens ne peuvent pas tout avoir le même pouvoir de télépathie mentale avec leur esprit que moi j'ai, parce que les gens ne sont pas encore fusionnés. Fait que les gens peuvent vivre pendant un certain nombre d'années avec leurs pensées subjectives, mais des pensées qu'eux autres sentent qu'ils contrôlent. Ils contrôlent, ils peuvent les arrêter quand tu veux, ils contrôlent. Tout le reste, ça ne fait pas partie de l'esprit. L'esprit, ça sert toujours là. Ce qui ne sert pas l'homme, ça ne fait pas partie de l'esprit. Alors, il y a une période de temps où il y a plein du matériel qui ne vous sert pas, qui est mis en action à cause du conflit, du combat perpétuel entre l'esprit et les forces astrales, qui sont aussi esprits. Il y a un combat constant dans l'homme entre son esprit et l'esprit qui font partie des mondes invisibles. Et ce combat-là crée quoi? De la pensée chez l'homme. Si l'homme est conscient de ça, il réalise que c'est un combat qui se fait, c'est une lutte qui se fait, que c'est un travail qui se fait, et lui doit être capable, au niveau de son mental, d'être complètement dégager de ce qui se passe dans sa tête et de se mettre sous la vibration de l'esprit à 3h du matin et d'aller chercher sa machine pour couper son gazon, pour que l'esprit puisse changer la vibration du mental pour couper la communication avec l'astral et pour que lui puisse retourner dans un état de repos, un état de créativité ou quoi que ce soit. Le mot instinct, là, je vais l'accepter dans ce cas ici. Ce que vous appelez, vous autres, de l'instinct, c'est de l'esprit qui agit. De l'instinct, ça vient de l'esprit. De l'instinct. Si vous n'êtes pas malade mental, si vous n'êtes pas désaxé, si vous n'êtes pas débalancé, votre instinct est bon. Si vous êtes débalancé, votre instinct n'est pas bon. Vous savez quand votre instinct est bon? Quand ça vient de vous, de votre esprit, et quand ça vient d'autres esprits, comme dans le cas d'ici. Mais on n'est pas... C'est difficile pour nous autres, au 20e siècle, de vivre au niveau de ce que... Moi, je fais attention avec le mot instinct parce que c'est des mots que je veux détruire, ça. Mais je m'en sers dans son cas parce que ça sert à ramener à un plan plus bas l'explication d'un mot qui devient un petit peu trop compliqué si on monte ses plans plus hauts. De l'instinct, ça vient de l'esprit. Mais nous autres, avec nos égos, puis notre raffinement, puis toute notre patente, là, sociale, tout ce qui se passe, tout notre conditionnement, on tue notre instinct, on empêche notre esprit de balancer constamment les vibrations de nos constitutifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on est des êtres qui sont voués à toutes sortes de maladies, puis à toutes sortes d'épuisements psychologiques. C'est pas normal qu'un homme soit épuisé psychologiquement. Qu'un homme souffre psychologiquement, d'accord? Mais qu'un homme soit épuisé psychologiquement, c'est pas normal. Que tu souffres psychologiquement, ça, c'est normal. Ça fait partie du combat entre l'esprit et le mental. Pour que l'esprit rentre, pensez-vous que les forces astrales vont se retirer de vous parce que vous voulez ça? C'est un combat. Mais il faut pas que l'homme perde la notion que son esprit est puissant. Mais que son esprit est beaucoup plus subtil dans son activité que l'ego puisse se l'imaginer. Pour graphiquement représenter ce que je veux dire, si on prenait n'importe qui d'entre vous là, qui souffre dans le mental et tout cela, puis qui serait capable de tomber tout de suite sur la vibration de son esprit, il pourrait comprendre instantanément comment neutraliser son mental. Mais on n'est pas capable de neutraliser notre mental parce qu'on n'est pas suffisamment capable de s'intoniser avec notre esprit. Puis on n'est pas capable de s'intoniser suffisamment avec notre esprit parce qu'on n'est pas capable de réaliser que nous autres, les hommes, on est esprit dans de la matière. On pense toujours, nous autres, les hommes, qu'on est quelque chose dans une cuve. On ne réalise pas qu'on est esprit dans la matière. Et quand on parle avec notre esprit, quand on parle, télépathiquement, là, c'est plus facile de réaliser. Là. Mais encore, il se crée une dualité. On a l'impression encore qu'on parle avec quelqu'un. L'affaire de la juste repensée. On a l'impression qu'on parle avec quelqu'un. Tu parles pas avec quelqu'un, tu parles avec toi. Mais les mystères de l'esprit sont tellement ont été tellement cachés à l'homme, la réalité de l'esprit s'est été tellement mal expliquée à l'homme qu'on n'est pas capable de s'imaginer que l'ajusteur de pensée puis notre esprit, ça fait un, cette affaire-là. Ça peut faire deux pour qu'il y ait la communication. Mais ça fait un. C'est toujours un. Puis ça, c'est vibratoire. Comment est-ce que tu devrais le comprendre psychologiquement si tu ne comprends pas psychologiquement? C'est vibratoire. Tout est vibratoire. De l'esprit, c'est vibratoire. Prends une allumette, puis prends une autre allumette, mets-la ensemble, ça fait quoi? Ça fait une allumette. Tu prends une allumette, puis tu prends une autre allumette, tu la mets ensemble, ça fait une allumette. Tu les sépares, ça fait de la communication télépathique. Tu les mets ensemble, ça fait une allumette. C'est de même qu'on fonctionne. Mais aussitôt qu'on commence à se conscientiser, là, on s'aperçoit qu'il y a deux allumettes. Là, il y a une zone, puis il y a l'autre. Là, ça nous énerve. Puis c'est ça qui commence la transmutation. Aussitôt que l'homme commence à réaliser qu'il n'y a pas un lui de seul subjectivement, qu'il y en a deux, là il panique. Là, il commence à comprendre le mécanisme de pensée. Mais après ça, il faut qu'il revienne à comprendre ça. Que c'est un, puis c'est deux, puis c'est un, puis c'est deux, selon le mouvement vibratoire de l'esprit dans le mental humain. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas dans les terres, fait qu'on ne voit pas qu'est-ce que c'est des intelligences. On n'a pas été qu'est-ce que c'est des intelligences. on se fait des idées, on a un écran mental qui est totalement astralisé. Ben, on n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est de l'esprit. Qu'est-ce que c'est un autre esprit qui communique avec un autre esprit? Qu'est-ce que c'est un esprit qui se fonde d'un autre esprit? Qu'est-ce que c'est deux esprits qui se fondent dans un corps matériel? On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ben, notre identité, nous autres, est toujours mis en doute, puis mis en doute, puis mis en doute, puis mis en doute. Pourquoi? Parce que notre mental questionne tout le temps notre esprit. Notre mental questionne tout le temps notre esprit. Ça prend des années pour arriver à un point où notre mental questionne plus notre esprit. Moi, je suis arrivé à ce point-là. Aujourd'hui. Moi, je parle. Moi, quand je parle, je parle. Puis quand je parle, je parle. Puis quand je parle, j'ai raison. Puis quand j'ai raison, je parle. Et ça, t'sais, il s'arrête pas. Moi, j'ai pas mon mental pour questionner ce que je dis, puis questionner ce que je dis. Puis questionner ce que je dis. Voilà, c'est ce que l'on dit l'autre jour. Questionner ce que je dis. C'est l'esprit qui rentre sur le mental, l'esprit qui rentre sur le mental. Fait que si l'esprit nous fait répéter 4 fois, 5 fois, 6 fois, c'est pour vous faire comprendre le mécanisme de l'esprit sur le mental. Tandis que le mental, il voudrait dire d'autres choses. Il n'est pas capable. Mon mental n'est pas capable de dire d'autres choses. Il est obligé de dire ce que l'esprit veut qu'il dise. C'est ça la conscience que ça. Fait qu'à ce moment-là, quand tu fonctionnes en tant qu'être humain sur un plan matériel, avec un esprit que ton mental questionne pas tout le temps, tu questionnes pas tout le temps, tu questionnes pas tout le temps, mais quand ton mental a été capable d'absorber, puis d'absorber, puis d'absorber, puis d'absorber, éventuellement, t'es conscient. Mais vous autres, vous questionnez votre mental, puis questionnez votre mental, puis questionnez votre mental, puis la réponse, c'est pas votre mental que vous questionnez, c'est votre esprit que vous questionnez dans le combat entre lui-même et votre mental. Arrêtez de questionner votre mental. Fait que comme ça, vous ne questionnerez pas votre esprit. Fait qu'à ce moment-là, vous commencez à absorber votre esprit dans votre mental. On dit toujours vous faire jouer des free games, puis vous jouez des free games, puis des free games. Fait que ce qui est dans votre mental, actez-vous-en pas, ça vient même pas de vous. Ça vient pas de votre esprit, ce qui est dans votre mental. L'esprit, ça ne pense pas. Un jour, vous comprenez. Le phénomène de pensée, ce n'est pas un phénomène de l'esprit humain, c'est un phénomène astral, c'est un phénomène qui provient des influences télépathiques sur les autres plans vers l'homme. L'esprit humain ne pense pas. Il peut communiquer avec l'homme. Mais il ne pense pas. C'est penser, c'est penser. Penser, c'est réfléchir sur soi. Penser, c'est réfléchir sur soi. Une forme d'énergie qui convient à notre émotion et à notre intellect. Communiquer, c'est exprimer dans le temps. Une forme qui convient à notre esprit et à notre intellect. Une différence entre penser puis communiquer, parler avec l'esprit. Là, la différence entre la pensée subjective et la pensée objective. La pensée subjective vous épuise tout le temps. Il faut que vous en arriviez un jour à être tellement conscient de vos pensées subjectives que vous ne puissiez pas, au niveau de votre esprit, être affecté ou affligé par ces pensées-là. Quand je vous dis que l'esprit, ça ne pense pas. Ça communique, mais ça ne pense pas. Alors, mon esprit peut communiquer avec d'autres esprits sur des plans supérieurs, qu'on appelle des ajusteurs de pensée. Alors, à ce moment-là, quand mon esprit communique avec des intelligences sur des plans supérieurs, moi, automatiquement, je reçois de l'information qui convient à ce que je dois savoir. Mais, penser, probable de penser, comment est-ce que tu veux penser quand c'est plus dans ton mental que tu vis, quand c'est dans ton esprit? Tu peux plus penser. Donc, tout ce que vous pensez, c'est de la bouillabaisse. Puis le pire, c'est que vous donnez raison, puis vous pensez avoir raison, puis vous mesurez même la raison de votre intelligence, vous mesurez même l'intérêt que vous avez à la pensée que vous avez qui vous donne l'impression d'avoir compris quelque chose. Aussitôt que vous avez l'impression d'avoir compris quelque chose, ça fait partie du mécanisme de la pensée, vous n'avez rien compris, vous comprendrez demain ce que vous avez compris, c'est pas ça. C'est final. Tu peux pas comprendre rien, parce que comprendre, c'est astral. Quand t'es cosmique, tu comprends rien, c'est tout. Fait que votre crise de compréhension, vos idées que vous avez de vos compréhensions, c'est ça qui vous met dans l'air. Ça se comprend pas. C'est bien simple. Pourquoi est-ce que l'homme aurait besoin de comprendre quelque chose quand l'homme est esprit? Quand t'es esprit, t'as pas besoin de comprendre rien, tu sais. Alors, ce qui fait que l'homme est obligé de comprendre quelque chose parce qu'il n'est pas tout esprit, c'est parce que son mental est défectueux, c'est-à-dire qu'il y a une trop grande partie d'activité mentale et une trop petite partie d'activité d'esprit. Ça, vous êtes obligé de comprendre quelque chose? Tout notre système de vie est éduqué à ça, à comprendre quelque chose. Tu arrives dans un bureau, tu ne comprends pas. Le gars, il dit, wow, t'es bien sans dessin. Je t'engage à 200$ par semaine, tu ne comprends pas ça. Fait que tout notre système de vie est guéri à ça. Fait que tu comprends que le gars, il s'arrange pour comprendre un petit peu, puis pas comprendre, puis il essaie de faire son mieux. C'est pas qu'un jour, il vient un point où tu es obligé d'ajuster ta vie selon ta vie, selon l'esprit en toi. C'est pour ça qu'à un certain moment, tu n'es plus capable de fonctionner un système. Tu crées un autre microsystème. Tu fonctionnes à l'intérieur d'un microsystème. C'est ça qui va venir avec l'humanité. Il y en a qui vont créer un système, il y en a d'autres qui vont créer un microsystème, qui vont être construits d'eux-mêmes, parce que leur esprit va être l'agent créateur là-dedans, pas leur intellect. Il y a du monde qui essaye de m'analyser. Il y a du monde qui essaye de m'analyser. Même m'analyser. Il essaie de comprendre mon comportement. Je n'ai pas de comportement. Il essaie de voir des raisons pourquoi si j'agis de même, puis des raisons pourquoi est-ce que j'ai. Ça, c'est en fait d'overtime. Là, vous allez vous faire charrier par la salle d'aventure. Lâchez-moi en paix. L'esprit, ça pense pas. C'est subtil, tu sais. Parce que quand je dis que l'esprit, ça pense pas, je veux pas dire que l'esprit, ça communique pas. S'il y a une chose qui est universelle, c'est la communication. L'esprit, ça ne pense pas. Il dit, c'est tellement important, c'est pour ça qu'il insiste. Ça pense pas de l'esprit, ça parle, ça communique. Ça pense pas. Fait qu'aussitôt que tu penses, t'es pas dans ton esprit. T'es dans ton mental. Qui c'est qui sert à ton mental? L'astral. Si l'esprit pensait, ça se détruirait automatiquement. Parce que penser, ce n'est pas un phénomène créatif. C'est un phénomène de destruction, de division. La pensée, ça divise. Ça ne peut pas passer de ça. C'est un phénomène réflectif, penser. C'est un phénomène mécanique du mental. C'est vibratoire et psychologique. Tandis que l'esprit, c'est rien que de l'énergie. Ça pense. C'est important pour l'homme de comprendre ça, parce qu'une fois que l'homme va avoir compris ça, que de l'esprit, ça ne pense pas, l'homme va commencer à réaliser qu'aussitôt qu'il pense, qu'il n'est pas dans son esprit, il est dans autre chose. Et quelle que soit la construction de cette autre chose-là, ça ne vaut rien. Mais, quelle que soit la construction, quelle que soit la conclusion de cette autre chose-là, ça ne vaut rien parce que c'est pensé. Aussitôt que c'est passé, ça vaut rien, c'est déjà mort. Ça vient déjà du monde astral. Là, vous autres, vous jouez avec ça pendant des heures, puis des jours, puis des semaines de temps. Ensuite, vous me demandez pourquoi. Vous vous demandez pourquoi vous avez des tensions. Je comprends pas, vous avez des tensions. De l'esprit, ça ne pense pas. Je sais, mais pourquoi est-ce que je vous dis que l'esprit, ça pense pas? Vous allez comprendre. Ça ne va pas vous empêcher de penser. Ça ne va pas vous empêcher de penser créativement. Mais ça va vous permettre de réaliser que quand vous pensez créativement, c'est une pensée qui est sous le contrôle. Pardon, qui est sous le contrôle de votre esprit. Il y a des pensées qui peuvent être sous le contrôle de votre esprit. Ça, c'est un autre élément. Les pensées qui sont sous le contrôle de votre esprit sont les pensées que vous aimez. Fait que toutes les pensées que vous aimez, parce que vous pouvez penser encore pendant un certain nombre d'années, jusqu'à temps que la fusion se fasse, mais toutes les pensées que vous aimez sont les pensées qui sont sous le contrôle de votre esprit. Les pensées que vous n'aimez pas ne sont pas sous le contrôle de votre esprit, sont sous le contrôle des influences astrales. Je vais vous dire une chose. J'essaie de revenir dans, d'aller dans le temps puis d'aller dans la subtilité de la réalité de l'esprit pour vous faire comprendre la subtilité de la réalité de l'esprit. L'esprit, c'est là. Penses-tu qu'un homme va s'autodétruire? Penses-tu qu'un homme va s'autodétruire? Vas-y. L'esprit, c'est là. L'homme, c'est esprit. Fait qu'aussitôt qu'il y a de l'esprit dans l'homme qui se manifeste, c'est toujours créatif. Fait que si, à cause du fait que vous êtes pas confusionné, que vous pensez, les seules pensées qui viennent de votre esprit, qui sont sous le contrôle de votre esprit, sont les pensées qu'on peut dire que vous aimez. les pensées qui vous font plaisir, les pensées créatives, les pensées qui vous acheminent. Ça, c'est des pensées qui sont sous le contrôle de votre esprit. Les autres, ça vient restera. Parce que des fois, l'esprit aime ça, faire penser. L'esprit, des fois, il aime ça se servir de pensées qui sont sous son contrôle. Parce que ça lui permet à lui de vous faire comprendre des choses au niveau où vous en êtes rendu. Quand vous serez fusionné, que vous n'allez plus besoin de comprendre rien, à ce moment-là, l'esprit aura plus besoin de se servir de pensées, de mettre certaines pensées sous son contrôle pour vous faire comprendre quelque chose, parce que la fusion vous permettra de comprendre instantanément. Mais d'ici à ce temps-là, l'esprit veut vous faire comprendre quelque chose, l'esprit veut vous faire voir quelque chose, l'esprit veut vous clarifier certaines choses. Alors, il vous fait penser, c'est-à-dire que les pensées sont sous son contrôle. À ce moment-là, l'astral n'a pas de pouvoir sur vous. Ce que vous pensez, c'est bon. Ça vous sert. Ça met votre esprit. C'est élevant. Ça convient à votre esprit. Et comme ça convient à votre esprit, c'est bon pour votre mental, c'est bon pour votre émotionnel. Et tout le reste, les inquiétudes, blablabla, tout le reste. Je vais aller plus loin dans l'affaire de l'esprit. Je veux toucher un petit peu aux os de cette affaire-là. L'os. La charpente. L'homme vit sans la charpente de son esprit quand il en arrive de plus en plus graduellement à ne pas pouvoir questionner son action. Quand on arrive dans la vie, là, lentement, graduellement, ça prend un certain temps, à ne pas pouvoir questionner ton action, tu commences à sentir, à palper ton esprit, à être dans ton esprit. C'est ton esprit là, qui est là, là, dans un plus grand pourcentage que ton mental. C'est là, là que tu commences à vivre de ton esprit, dans ton esprit. Parce que l'homme peut questionner seulement deux choses. L'homme peut questionner ses pensées ou l'homme peut questionner ses actions. Et s'il questionne ses actions, automatiquement, éventuellement, il va engendrer des questions dans son mental. Automatiquement, les questions engendrées dans son mental vont créer de l'activité mentale, puis éventuellement, le contrôle de son esprit sur son mental va diminuer. Fait que c'est bien important que l'homme apprenne à ne pas questionner ses actions pour analyser, à pouvoir sentir de plus en plus son esprit. Pourvu que l'homme réalise qu'il ne peut pas faire un mouvement physique sans que ce soit son esprit qui soit derrière. Alors, même s'il fait des erreurs, ça n'a pas d'importance, c'est parce que son mental, son émotionnel fait interférence avec son esprit. Ce que lui doit savoir, c'est qu'il doit faire son action sans questionner son action. Ça, c'est important. Bien important. Parce que c'est cette réalisation-là qui va désengager le mental humain de l'émotion humaine, du vital humain et du physique humain, laissant l'esprit libre de s'occuper du mental, du vital, de l'émotionnel et du physique. C'est là que l'homme commence à être en santé. Mais si votre mental s'engage énergétiquement et affecte vos plans, comment voulez-vous que votre esprit guérisse vos plans? En les pénétrant, vos plans. Pourquoi? On a un exemple au niveau des petites maladies. Les petites maladies qu'on a. Aussitôt qu'on a une petite maladie, qu'est-ce qu'on veut faire? Le mental qui fonctionne, on veut se guérir. On ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on a une petite maladie. On ne sait même pas que peut-être telle petite maladie, ça provient de tel effet de l'esprit sur nos corps pour changer la vibration de nos corps. C'est voulu de même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher du chimique, on le met dans le physique, puis On change le métabolisme, on change le rapport vibratoire énergétique entre l'esprit et nos corps subtils. L'esprit a du trouble en maudit avec nous autres. Je dis pas qu'il faut pas prendre soin de nos corps physiques. Je veux dire qu'il faut savoir quand c'est le temps d'être bien malade, puis de vivre notre maladie, comme on vit nos maux de tête, comme on vit nos tensions mentales, ainsi de suite. Le corps physique, lui aussi, faut il faut qu'il soit malade de temps en temps. C'est bon que le corps physique soit malade un peu de temps en temps parce que c'est le choc vibratoire de l'esprit qui rentre dans la matière. Alors, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin pour prendre des B12. Il y a des maladies qui sont naturelles, puis il y a des maladies qui sont pas bonnes. Les maladies naturelles, t'es vie, ça dure pas longtemps, des maladies naturelles, anyway, ça dure une journée, peut-être maximum 2 jours, maladies naturelles. Et au niveau émotionnel, c'est la même chose, puis au niveau mental, c'est la même chose. Mais on fait constamment interférence avec notre esprit. Moi, je comprends ça, parce qu'il me disait, souvent, dans 3 semaines, tu vas avoir... Dans 3 semaines, tu vas être malade. Tu vas aller chez Dad Giovanni, tu vas rencontrer ta mère, elle va te dire, mange-en donc du spaghetti, là. Mange-en donc encore, fais donc plaisir à un moment, puis tu vas y faire plaisir, puis tu vas être rendre malade, bien, ça va servir, parce qu'on va changer ton corps astral. Puis comme de fait, 3 semaines après, je rencontre ma mère, je vais chez Dad Giovanni, elle dit à Waitress, amenez-y-en encore un petit peu plus de sauce à mon fils, parce qu'elle m'aime tellement, ben de la sauce, j'ai été malade comme un cochon, j'ai sacré après eux autres toute la crise de nuit, ils ont changé mon corps astral. Ça, c'est vivre dans ton esprit, au lieu de prendre des Alka-Seltzer, puis Alka-Welzer, puis toute la patente. On est loin en maudit de notre esprit des hommes. Passe. Moi, je suis content de ne pas penser à ça, je me découragerai. Mais tu peux pas donner des règlements d'action, des règlements de comportement à des êtres humains qui sont encore assujettis à leur mental. Parce qu'automatiquement, ils vont mal s'informer, ils vont prendre trop à la lettre ce que tu dis, puis c'est pas ça que tu veux dire. C'est pour ça que j'aime pas ça parler de médecine, puis j'aime pas ça traiter du qui est médical, parce que les gens, ensuite, ils se laissent mourir, espérant des miracles, comme des vratas. C'est le principe de l'action de l'esprit sur l'âme que je vais expliquer. L'esprit, c'est une énergie qui doit faire sa descente dans l'âme, sur tous les plans de l'âme. Et souvent, au début, l'esprit, quand il fait sa descente chez certains individus qui ont une certaine sensibilité, ça crée des maux de tête. Ensuite, chez d'autres, c'est d'autres choses. Mais l'esprit, il faut qu'il descende, puis qu'il descende, puis qu'il descende, puis qu'il descende. Puis éventuellement, c'est tellement ajusté les corps que tu ne sens plus, tu ne sens plus sa descente, tu ne souffres plus de ton esprit. Quand tu ne souffres plus de ton esprit, tu es bien. Mais il faut qu'on lui donne une chance, on ne lui donne pas de chance. On est toujours pogné dans notre ego, puis dans nos pensées, puis dans notre troll là. Fait qu'on fait interférence constamment, constamment, constamment, constamment. L'esprit doit s'imprimer sur nos corps subtils. Il s'imprime dans le mental. Quand l'esprit s'imprime dans le mental, on souffre automatiquement parce qu'on a la tête grosse de même. On dirait qu'on a un plat de soupe sur la tête. Il s'imprime. Il s'imprime avec quoi? Il s'imprime avec toutes les pensées qui viennent de l'astral. Le bombardement, le bombardement, le bombardement, le bombardement, le bombardement. Il s'imprime, il s'imprime, il s'imprime, il s'imprime. Faut la bien comprendre, notre relation avec l'astral. Faut la bien comprendre. Il y a plusieurs niveaux de compréhension de notre relation avec l'astral. Une fois qu'on comprend le principe fondamental que l'astral ne peut rien sur l'homme, si l'homme n'est pas affecté émotivement et mentalement, à ce moment-là, l'astral, il est là dans l'homme, il fait partie de la constitution de l'homme, il fait partie de la mémoire de l'homme, il fait partie des liens télépathiques entre l'homme et sa mémoire, c'est karmique. À ce moment-là, l'esprit rentre, puis il rentre, puis il rentre, puis il nettoie, puis il nettoie, puis il nettoie. Pour que l'esprit nettoie, il faut qu'il y ait la cochonnerie. Non. Mais nous autres, quand il y a de la cochonnerie, puis qu'on sent notre cochonnerie, on s'inquiète. C'est normal qu'il y ait de la cochonnerie. On a tout de la cochonnerie. Je n'ai eu de la cochonnerie. De temps en temps, j'en ai. Si j'ai pas de cochonnerie, moi, je serais fou comme la mort. Il y en a, de la cochonnerie. Je serais trop bien. Éventuellement, tu connais la game de la cochonnerie. Tu t'en occupes pas. Mais quand tu n'as plein de casque, tu coupes ça. Tu prends ta machine, tu te retombes ton gazon à 3 h du matin, ça coûte la cochonnerie nette, ça. C'est pour ça qu'il y a une relation. Il y a une relation entre notre esprit et notre volonté, ce qu'on appelle notre volonté. Notre volonté, c'est l'action de l'esprit, c'est là. Gisèle a dit, ça fait des mois, parce que ça fait des mois qu'elle veut manger à la maison, puis elle voudrait manger à la maison, puis elle voudrait manger à la maison parce que tu es où dans le bureau, puis elle est occupée, fait qu'elle veut sortir, puis sortir de la maison, prendre de l'air. Là, elle est écœurée des restaurants, fait qu'elle veut manger à la maison avec son mari. Il arrive toujours quelque chose. Là, elle s'est fâchée dernièrement, là. Elle dit les sacrements, je vais manger à la maison, puis je vais manger à la maison, puis je vais manger à la maison. Là, à la fin, elle pas, là, son mari a bien aimé le pas. Mais elle, elle l'a pas aimé parce qu'elle travaille avec tellement des tensions. Quand tu fais un repas, faut que tu relaxes. Tu relaxes pas, le repas, tu l'aimes pas. Ben là, dans la tête de cochon, que le repas, elle va le faire, puis même si elle l'aime pas, elle va continuer à le faire jusqu'à ce qu'elle l'aime. Ça, c'est la descente de l'esprit. C'est le développement de sa volonté. C'est le contrôle de son esprit, de toutes les forces astrales qui empêchent Gisèle de pouvoir se servir de son corps astral pour son bénéfice à elle. C'est toujours un combat. C'est toujours un combat. La descente de l'esprit dans la matière, c'est un combat, puis l'homme le saura que c'est un combat. Ça sera un combat jusqu'à la fin de ce que vous appelez les temps. Et plus tu combats, plus tu deviens chier, plus tu deviens fort, plus tu as de la volonté, plus tu as de l'esprit, plus tu as de l'intelligence, parce que l'esprit, c'est de l'intelligence. Plus tu deviens autonome, plus tu deviens centrique, plus tu fais ce que tu veux, plus tu organises ta vie comme tu veux, plus tu t'organises comme tu aurais toujours voulu t'organiser. La paix. Avec la volonté. Alors, l'esprit, c'est une énergie, ça ne pense pas. Ça agit, ça fait. Beaucoup d'activités quand c'est en conflit avec l'astral. Avec des intelligences qui sont de l'esprit, mais qui sont d'autres plans, qui ne font pas partie de l'esprit de l'homme. Il y a un maudit combat qui se fait à ce moment-là. C'est pour ça que l'homme est dans une situation combative, que l'homme est dans une situation souffrante. C'est pas notre esprit qui nous fait souffrir. C'est les autres esprits qui sont dans notre mental, qui se servent de notre mental à travers des pensées formes, qui créent des conditions de souffrance pour nous. C'est pas notre esprit. L'esprit de l'homme ne fait pas souffrir l'homme, c'est l'esprit de l'homme. C'est pour ça que l'homme qui va se conscientiser va être obligé d'apprendre que quelle que soit la teneur de ses pensées, quelle que soit l'action, l'activité de ses pensées, les constructions de ses pensées, ça ne vient pas de son esprit. Ça vient d'astral. Si vous pensez dans votre tête, Bernard Montréal est bien vain, ça vient d'astral. Ça vient du haut astral spirituel. Si vous pensez dans votre tête, Bernard Montréal, c'est un chien, ça vient du bas astral. Ça vient tout de l'astral. Fait que tu penses que je suis un chien, que tu penses que je suis bien fait, ça vient tout de l'astral. C'est des choses que vous n'aviez jamais pensées. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Quand l'esprit ne pense pas. Si vous le pensez, exactement ça. L'esprit, c'est une partie, c'est quelque chose à l'intérieur de toi qui regarde toutes tes pensées comme si c'était un film. Exactement ça. Exactement ça. C'est quelque chose à l'intérieur de toi qui regarde toutes tes pensées comme si c'était un film. Tes pensées qui soient bonnes ou qui soient pas bonnes, c'est un film pareil. L'esprit, ça pense pas. Pensez à ça. Si vous voulez en savoir plus long sur ça, vous êtes obligé de communiquer télépathiquement avec votre esprit. Là, votre esprit va vous parler. Puis là, votre esprit va vous dire, mais c'est évident que ça pense pas de l'esprit. Je te parle. Tu penses pas quand je te parle? L'esprit va vous répondre de même. Vous allez en venir un jour, c'est ça qui est intéressant. Pour Pourquoi est-ce que l'homme n'est pas capable de mesurer son esprit? Parce que l'homme est incapable de voir la différence entre la communication entre lui-même, autrement dit son mental et son esprit, et voir la différence entre ça et ses pensées subjectives. C'est ça que l'homme n'est pas capable de mesurer son esprit. Il y a des paroles que l'esprit ne prononce pas. Il y a des choses que l'esprit ne peut pas dire parce que ça ne dit pas, parce que c'est pas ça. Mais quand l'homme est capable de vivre dans son mental en fonction de son esprit, qui n'est pas capable de dire certaines choses parce que ça ne dit pas ça, parce que son mental est suffisamment clair, sa conscience astrale est suffisamment transformée, l'homme commence à mesurer son esprit. C'est à ce moment-là que l'homme commence à réaliser la profondeur de son esprit, la grandeur de son esprit, l'infinité de son esprit, que l'homme rentre dans ce qu'on appelle l'intelligence cosmique. La mesure de toute chose. L'intelligence cosmique, ça mesure de toute chose. Ça mesure toute chose. Ça mesure n'importe quoi. Mais tant que l'homme n'est pas capable de sentir que son esprit ne peut pas dire telle chose, automatiquement, l'homme, il est voué à recevoir autre chose qui va venir d'astral. Parce que souvent, on va dire, il y a des gens qui vont, on va dire que de certaines personnes, le gars, il dit tout ce qui passe par la tête. C'est parce qu'il n'y a pas d'esprit. S'il y avait de l'esprit, il ne dirait pas tout ce qui passe par la tête. Mais comme il n'y a pas d'esprit, que son mental est infecté par d'autres esprits qui viennent de l'astral, ben, il dit tout ce qui passe par la tête. Il apparaît comme un beau niaiseux. Un homme qui est dans son esprit ne peut pas dire tout ce qui passe par la tête, parce que tout ce qui est dans sa tête est contrôlé par son esprit.